الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالصدق في القول والعمل ويرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في طالب العلم. وبعد هذين الشهرين نرجع إلى دروسنا في سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أوصلتنا سيرته إلى وصوله المدينة، وقد رأينا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة. وفي هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى سنتم ذلك، ثم نصل إلى ما قبل غزوة بدر الكبرى، وبالله التوفيق. Donc nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers nous l'étude de la biographie de notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant l'interruption, nous avons parlé de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et des premières actions faites dans sa ville alayhi salat wa salam. Et aujourd'hui inshallah ta'ala, nous allons reprendre cela et compléter ce passage pour arriver juste avant la grande bataille de Badr. Mais avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli certaines actions et a géré parfaitement les affaires de sa ville, que ce soit sa relation avec les compagnons, que ce soit sa relation avec les gens du livre, que ce soit la relation avec les voisins et les personnes avoisinantes. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est efforcé de parfaitement agencer le tout afin de pouvoir se consacrer à la transmission du message et à la propagation du tawhid et de sa sunnah عليه الصلاة والسلام. والمدينة طيبة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et المدينة est, comme vous le savez tous, la ville du prophète صلى الله عليه وسلم. Elle a de nombreuses particularités, de nombreux mérites, et les gens voyagent vers cette ville afin de se rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala de par ses particularités. Et il est bon de savoir qu'avant cela, Al-Madina se nommait Yathrib. Dans la Jahiliya, Al-Madina avait pour appellation Yathrib. Illa anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalik nahana an hadhi tasmiyah. Si ce n'est qu'après un temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de l'appeler Yathrib. Il a changé son nom comme il le faisait alayhi salatu wa sallam lorsqu'il entendait un prénom ayant une mauvaise connotation ou renfermant un sens négatif. Le prophète alayhi salatu wa sallam a donc changé son nom. Et dans les textes authentiques, on trouve que cette ville a trois noms. Mimma a'lam ala qillati zadi. فعند مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah a appelé sa ville, la ville de Médine, Taba. Donc on tire de ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim selon Jabir radiallahu anhu que parmi les noms de l'Médine, il y a Taba. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui la nomma ainsi. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة. Dans un autre hadith que nous cite زيد بن ثابت رضي الله عنه, il nous dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit إنها طيبة. C'est, en parlant de la ville de Médine, طيبة. وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثْ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ. Et Al-Madina, sa ville, Taïba, repousse le mauvais tout comme le feu épure le fer. Non. Lorsque le forgeron applique le souffle, applique le feu sur la matière, non, ça en enlève ses impuretés pour en garder le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de sa ville en disant que Al-Madina repousse le mauvais. Al-Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cette caractéristique. Fahiya taba wa hiya tayyiba. Wa inda al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur Abu Huraira عند البخاري, aux portes de Al-Madina, هذا هو الشاهد, le prophète sallam l'appelait Al-Madina, aux portes de Al-Madina il y a des anges. Aux portes de la ville il y a des anges. Naam. Qui, puis il nous dit, la peste, ni la peste ni le Dajjal, l'antéchrist, ne peut y entrer. Naam. Donc voici trois appellations de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans Sunnah et dans le Coran, on trouve Al-Madina. Naam, on trouve Al-Madina. Et عند الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوها أو لا تدعونها يثرب فإنها طيبة. القبة صلى الله عليه وسلم نجي لا تدعوها يثرب. القبة صلى الله عليه وسلم نجي ne l'appelez pas يثرب. Puis il nous dit « فَإِنَّهَا طَيِّبَةً » C'est « طَيِّبَةً » Et dans ce texte, on nous dit « وَمَنْ قَالَ يَثْرِبْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ » Et celui qui dit « يَثْرِبْ » qu'il l'appelle ainsi, qu'il demande pardon à Allah « ثلاث مرات » Naam, a dit cela trois reprises. Ou bien qu'il demande pardon trois fois. « هِيَا طَيِّبَةً » « هِيَا طَيِّبَةً » « هِيَا طَيِّبَةً » Le prophète sallam a répété cela. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam yaquluna yathrib wa innaha al-madina. Et dans un autre hadith, il nous dit il l'appelle Yathrib alors que c'est al-Madina. Quelle est la cause pour laquelle ce nom fut détestable? Quelle est la cause pour laquelle ce nom fut détestable? Ça revient à son sens. Lianna Yathrib من التثريب وهو اللوم والملامة. Pourquoi cela? Parce que يثريب, ça vient de التثريب. Et c'est quoi? C'est le blâme et les reproches. Donc ça a une connotation qui n'est pas bonne. C'est quoi? C'est le malama. C'est quoi? C'est التوبيخ. C'est le blâme, les reproches et tout ce qui vient dans ce sens. Et un des autres sens, c'est le fasad. C'est le mal, les troubles, la dépravation. Donc pour ces sagesses et d'autres, le nom de Yathrib fut changé. Donc quelles sont les appellations de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sont venues de manière authentique? Andaman. Taïba. Naam. Et ça a la notion de bon et de pureté. Ensuite, Taaba. Naam. Et finalement, Al-Madina. Al-Madina, ça signifie la ville. Mais, عند الإطلاق, lorsqu'on cite ce nom-là de manière absolue, le cœur de l'ensemble des croyants se dirige vers Madinatu Rasulillah. Naam, le cœur de l'ensemble des croyants se dirige vers où? Vers la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un croyant. Tu lui dis Al-Madina, sans que son cœur converge vers la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a de nombreux mérites dans cette ville et des choses légiférées, parmi lesquelles As-salatu fi masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya tafdulu as-salata fi ghayrihi bi alf. Naam. Premièrement, le fait de prier dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci nous est légiféré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tushaddu al-rihal illa ila thalathi masajid aw thalathati masajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne permet pas de voyager vers un endroit pour y adorer Allah Azza wa Jal spécialement dans celui-ci, si ce n'est vers trois mosquées, et parmi lesquelles il a cité sa mosquée. Et il nous dit que c'est mille fois mieux de prier dans sa mosquée que dans une autre mosquée, illa al-masjid al-haram, sauf la mosquée sacrée de la Mecque. Parmi les choses légiférées quand tu y es, le fait de le saluer, car il est enterré dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Donc tu viens devant et tu dis assalamu alayka ya Rasulallah. Naam. Ensuite à sa droite il y a Abu Bakr et à sa droite il y a Omar radiallahu anhuma. Parmi les choses légiférées à Al-Madinah, le fait de prier fi masjid Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتب له كأجر عمره. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: celui qui fait ses ablutions chez lui, donc si tu en voyages par exemple à l'hôtel, puis va à Masjid Quba et prie une prière, quelle qu'elle soit, on lui inscrit la récompense d'une Umra. On lui inscrit la récompense d'une Umra. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il y allait une fois par semaine, kulli sabt. Une fois par semaine, par moment à pied, par moment sur sa monture. Parmi les choses légiférées à Al-Madina, le fait de visiter Shuhada Uhud, les martyrs de la bataille de Uhud. Naam. Et parmi les choses méritoires, le fait d'étudier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ce qui a été cité comme ahadith. À Al-Madina, Al-Muhajirun, أو بعض المهاجرين تعبوا ومرضوا. Arrivé à Medina, par le changement de climat et de par certaines maladies, certains parmi les muhajirun sont tombés malades. Certains parmi les muhajirun sont tombés malades. Et il y avait une fièvre connue, on l'appelait Humma Yathrib. On disait la fièvre de Médine. Et ils ont été touchés, ou certains d'entre eux ont été touchés par cela. Parmi eux, Abu Bakr, radiallahu anhu. Parmi eux, Bilal. Et même Aïcha, radiallahu anhu. Et Abu Bakr prononçait certains vers de poésie et disait: Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi, wal mawtu adna min shirakin alihi. Abu Bakr, radiallahu anhu, était yani éprouvé par la maladie et la difficulté ainsi que la douleur, et il disait que chaque personne se réveille au sein de sa famille alors que la mort est plus proche de l'un d'entre nous que le mazal à la languette de ses chaussons. Et Bilal, pareillement, lorsque la douleur s'accentuait, il disait « Ala layta shi'ri, hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu » Et il y a d'autres paroles qui montraient cette difficulté et l'épreuve qui a touché les sahaba radiallahu anhum. Il nous a été également rapporté que Aïcha radiallahu anha, ou plutôt que Aïcha radiallahu anha nous rapporte que lorsque cet état s'est accentué et propagé chez certains parmi les muhajirin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à faire dua: Allahumma habib ilayna al-Madina, ou Allah fais-nous aimer Médine, ka hubbina Makkata ou ashad, tout comme nous aimons Mecca ou plus encore. Wa sahihha wa barik fi sa'iha wa muddiha wa anqul hummaha faj'alha fi al-juhfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua afin qu'Allah bénisse les mesures de Médine, vous savez quoi il pèse, et qu'il prenne la, ou bien qu'il repousse la fièvre qui s'y trouve et la déplace vers Al-Juhfa, à un autre endroit. Et dans la Umrah, qu'on appelle Umratul Qadha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Umrah avec certains parmi les Sahaba, les gens de Mecca et Quraysh ont dit Adha'afathum طيب او او بلوتو ماذا نعم حمى يثريب حمى يثريب. Lorsque les sahaba sont arrivés pour faire l'umrah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh ont dit: ne vous inquiétez pas, la fièvre de Médine les a affaiblis. Donc c'était une maladie qui avait été répandue, et je ne sais pas si on peut dire médiatisé. C'était une maladie dont le mal s'était répandu et les gens avaient reçu cette information. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour repousser ce contentement basé sur une mauvaise opinion et l'amour que le mal touche les croyants, il a dit aux sahaba de découvrir leur épaule droite, de faire ce qu'on appelle l'ittiba', cette sunna. Et il leur a dit d'accélérer le pas durant les premiers tours, les trois premiers tours. Naam. Afin de leur montrer que la fièvre de Médine ne les a pas affaiblis et qu'ils sont forts de par l'adoration d'Allah Azza wa Jal et qu'ils sont déterminés à adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala fil Masjid al-Haram. Ils ont donc montré leur force. Et lorsqu'ils arrivaient à l'opposé de la vision de Quraysh, il pouvait alors ralentir le pas. Parmi ce qu'il y a eu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, tahdid Quraysh, na'am, ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bel ahl al-Madina, les gens de Quraysh, lorsqu'ils ont eu vent de la situation des musulmans de Médine et que leur état commençait à prendre fort, ils ont menacé les gens de Médine. Ils ont menacé les gens de Médine car ce sont eux qui avaient accordé refuge aux croyants. Et Al-Médine, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui a failli avoir la suprématie sur les autres et être anobli à la tête des gens de Médine. Mais du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé bil huda wa din il haq, avec le message d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a pris le dessus et c'est lui qui a vers qui on est venu et c'est lui qu'on a immensifié d'un ta'zim shar'i, de manière légiférée, et c'est lui qui a été à la tête des habitants de Médine. Alors cet homme a été touché d'une des maladies les plus graves qui touchent l'homme, ce qu'on appelle al-hasad, La jalousie et l'envie, c'est l'amour et l'espoir de voir le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur la personne disparaître et qu'elle vienne sur toi ou non. Le but et la barre, c'est que ce bienfait disparaisse de ta vue sur cette personne. Tu ne supportes pas de voir qu'Allah Azza wa Jal a accordé ce bienfait en elle. Alors tu ne trouves plus repos dans ton cœur, tu ne trouves plus tranquillité tant que ce bienfait est présent. C'est pour cela qu'un des anciens disait: j'ai réussi à avoir l'agrément de toute personne, non, sauf du hasid, sauf de l'envieux. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra trouver la tranquillité tant que le bienfait d'Allah sera là. Et nous on sait, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, les bienfaits d'Allah azza wa jalla sont indénombrables. Donc al hasid ne pourra jamais trouver le repos. Naam, il ne pourra jamais trouver le repos. Il est en guerre contre le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala et le partage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce qu'il pourrait trouver le repos? Naam, au lieu de lever ses mains et se diriger vers le Créateur et celui qui donne Al-Karim, Al-Jawad, subhanahu wa ta'ala, et de savoir avec certitude que celui qui a donné à Zayd est celui qui donne à Abdullah, et de demander à Allah Azza wa Jal ce que tu aimes et ce que tu recherches, et de non, et non pas de combattre le destin et le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son partage. Qui est cet homme qui a été jaloux et qui a déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la même occasion aux croyants? Comment se nomme cet homme? Abdullah ibn Ubay ibn Saïd. Abdullah ibn Ubay. Qui est cet homme? Ra'sul munafiqin wa aqbahuhum wa adhallu an-nas. Naam, qui est cet homme? Abdullah ibn Ubay ibn Saïd. Qui est cet homme? La tête des hypocrites, celui qui a caché dans son cœur tout le mal et qui a tenté de montrer en apparence tout le bien et qui a déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la même occasion aux croyants radiyallahu anhum. Et les gens de Médine s'étaient entendus pour lui mettre la couronne, pour le mettre en dirigeant. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec la guidée, avec la vérité, ils se sont tous dirigés, naam, en droit, en tout droit de le faire, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a montré tout le mal, et par la suite, lorsqu'il a vu que les croyants ont eu lieu dessus et que les choses à Médine se sont devenues ordonnées, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la l'islam et il a caché al-kufran. Azhar al-iman wa abtan al-kufran. Il a montré la foi et il a caché son contraire, et c'est pour ça qu'on appelle al-munafiq munafiqan. C'est pour ça qu'on appelle al-munafiq munafiqan. Non, parce que la base de ce terme en arabe signifie izhar shay'in wa ibtan diddihi ou shay'in akhar. Et c'est pour ça qu'on appelle le trou du lézard dans lézard ainsi, parce qu'il fait un trou d'entrée et de sortie, mais il en fait des autres pour se sauver au cas où il y a un prédateur. Donc il montre une chose et il en cache une autre. Ben, l'hypocrite a montré le bien, l'islam, et il a caché son contraire, le mal. C'est pour ça qu'on appelait le munafiq munafiq. Et la tête des hypocrites, et le nifaq, est né à Médine. Pourquoi est-ce que l'hypocrisie est née à Médine? Parce qu'à Mecca, les musulmans étaient mustad'afin. Parce qu'à Mecca, les croyants étaient en situation de faiblesse. Mais à Médine, lorsqu'ils ont vu l'état des croyants, et qu'ils ont voulu baigner dans leurs bienfaits, alors ils se sont dit, on va montrer l'islam. Et on va rester sur la même chose dans nos cœurs. Donc, al-nifaq est né à Médine. Al-nifaq, l'hypocrisie, est né à Médine. Ça, c'est al-nifaq ou l'akbar. Au sujet desquels Allah nous dit dans le Coran, « Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa wakhadi'un, wa idha qamu ila salati qamu kusad, yura'un al-nas, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. » Muzabedabin. Certes, les hypocrites tentent de tromper Allah, mais ce sont eux qui se font tromper. Allah, eux, ils essayent de ruser avec Allah, de tromper Allah, mais c'est Allah Azzawajal qui leur fait ça. Ils montrent une chose pour tromper Allah Azzawajal, mais c'est eux, Yom Al-Qiyamah, qui vont récolter cela lorsqu'ils vont penser bénéficier de la lumière des croyants et qu'on va leur dire de rechercher cette lumière derrière, puis il y aura une séparation entre eux et ceux-là, ils vont périr. Et ils invoquent Allah que très peu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font cela par ostentation. Donc lorsqu'ils ne sont pas vus, ils ne font pas. Et la chose la plus lourde pour eux, c'est Salat. Particulièrement le fait de l'Isha. Parce que ça n'était pas éclairé à l'époque, donc il n'y a pas lieu de se montrer. Mais ils y venaient, malgré cela. Les textes nous montrent qu'ils y venaient, malgré cela. Donc, Abdullah ibn Ubay ibn Salou était la tête des hypocrites. Et le nifaq est né à Medina. Pourquoi citer cela? C'est en relation directe avec l'inimitié de Quraysh portée à l'égard des croyants et les tentatives de déstabilisation et les menaces portées à leur encontre. Et ils ont trouvé en Abdullah ibn Ubay ibn Salou la parfaite personne pour semer le trouble à Medina. Ils lui ont donc écrit, ils ont écrit aux gens de Médine et les ont menacés en leur disant: vous avez osé accueillir Mohammed et ses partisans, soit vous allez les faire sortir de Médine, soit vous allez les combattre, soit on va venir nous-mêmes jusqu'à Médine et on va tous vous combattre et on prendra vos épouses. Non. Ils ont donc utilisé la menace pour tenter de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants. Et ça, c'est une méthode ancienne, shaytaniya, qu'utilisent au jour d'aujourd'hui ceux qui cherchent le mal aux gens de la vérité, que soit min ahl bid'ah ou pire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de déstabiliser les gens de la vérité. S'ils n'y arrivent pas, ils vont voir leur famille et les menacent en leur disant que si ils ne cessent de, yani si l'enfant ou si la fille ne cesse d'être sur le haq et sur le sunna, alors vous allez recevoir telle nuisance, alors on va vous faire ça, alors on va vous faire ça. Ça, c'est une menace connue. Illa anna ahl al haq idha tamakkana fi qulubihim na'am la tuza'zihum tuza'zihum hadhihi al munawashat. Si ce n'est que les gens du haq, à partir du moment où la vérité s'est ancrée dans leur cœur, ces menaces et ces tentatives ne les touchent pas si ce n'est en tant que nuisance. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté au iman. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce bas monde n'est qu'un lieu de passage. Pourquoi? Car ils savent qu'ils vont revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala pour recevoir l'al-jaza, la rétribution. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'ghuraba, des étrangers. Non, une minorité de gens sur la vérité qui, dans une majorité de gens qui sont dans les garments. Naam, yuslihuna mafsada an-nas. Et ils tentent de réformer ce que les gens ont corrompu. Donc ils savent qu'ils sont peu, ils savent qu'ils sont éprouvés. Et ils savent que la finalité, c'est Allah wa dar al-akhirah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqq al-qadim. Les gens de Médine se sont exécutés. Ils se sont consultés, ils se sont réunis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Si ce n'est que le prophète alayhi wa sallam a reçu cette information. Les gens de Quraysh. Non, les gens de Médine. Naam. Les gens de Médine, naam, après avoir reçu ces menaces de Quraysh, se sont consultés, se sont réunis, naam, pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mu'mini ahli al-Madina, et les croyants de Médine. On parle des gens de Médine, pas des gens de Quraysh. Les gens de Médine qui ont reçu cet écrit, naam, se sont réunis, se sont consultés et ont tenté de mettre en pratique ce qui leur avait été commandé, naam, par d'autres min shayatin al-ins. Donc ils ont tenté de mettre en pratique cela, si ce n'est que le prophète a reçu cette information. Et Al-Ansar était très motivé dans la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, il y a quelqu'un qui montait la garde devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nuit. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset de sourate Al-Ma'idah, le verset 67. Wallahu ya'asimuka minan nas. Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te défendra des gens, te protégera des gens. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu ce verset, est parti voir les gens de l'Ansar et leur a dit Wallahu ya'asimuka minan nas. À partir d'aujourd'hui, plus personne monte la garde. Regardez la soumission du prophète sallam et le tawakkul ala Allah azza wa jal qu'il avait. Un verset, il est menacé. On tente de toucher à sa vie. Naam, il sait ce que veulent de lui Quraysh et ce que veulent contre lui Quraysh. Mais il a reçu un verset. Il a al-yaqin al-tam. Il a al-yaqin al-tam. La certitude totale dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa parole. Il a dit au Ansar, plus la peine de monter la garde. Et nous, par moment, on nous dit, ni l'un d'entre nous dit, je cherche du travail, ou bien le travail dans le haram. Tu lui dis, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَا حَسْبُ ou bien وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui fera une issue. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il te dit, oui, mais. J'ai des enfants, oui, mais kaza, oui, mais c'est difficile, oui, mais je suis en France, oui. Subhanallah, aya wahida. Le prophète sallam, un verset. Et sahaba kadhalika kanu, c'est ainsi qu'ont été éduqués les compagnons à la sourate al-istijaba lillahi wa lirrasul. Ils ont été éduqués à répondre promptement à l'appel d'Allah et de son messager. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ou vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie pour vous. Na'am fa hada darsun min rasulina al-karim alayhi salatu wa salam. C'est une leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a reçu ce verset, na'am, il y a cru parfaitement, comme à l'ensemble du Coran, et a dit aux compagnons, nul besoin après cela de monter la garde. Il aura dit, il a dit aux compagnons, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhannas, insarifu anni, faqad asamani Allah. Ou vous les gens, yani, ne montez plus la garde devant ma porte, car certes Allah m'a accordé sa protection. Et parmi ceux, et parmi ceux qui avaient fait cela, Sa'd ibn Abi Waqas, qui est un des chefs, c'est chez les Ansar. Alors le prophète a fait dua pour lui. Et c'est ainsi qu'il convient de faire avec les héritiers des prophètes, al-ulama, al-amiloun, al-sadiqoun, min ahli sunnati wal-jama'a. Na'am, c'est ainsi qu'on doit se comporter avec les héritiers des prophètes, les savants, ceux qui ont, les savants du Coran et de la Sunna. Na'am, les savants des Athar des Sahaba, ceux qui sont restés sur leur voie après eux. Na'am, on doit les considérer et on doit les défendre de par nos langues et de par nos mains. De par nos langues et de par nos mains. C'est-à-dire, tout comme les Sahaba ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa personne. Nous, lorsqu'on entend parler en mal du ulama de l'Ahl Sunnah, il nous incombe, il nous est obligatoire de les défendre. Ce sont les porteurs de la législation musulmane, de l'islam, les représentants de l'islam à notre époque. Ce sont les héritiers des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et ils ont sur nous des droits qui sont très lourds et qui sont très grands. Naam, on doit les aimer, on doit les respecter, on doit prendre leur science, on doit revenir à eux lorsqu'on a des divergences, pour qu'ils jugent entre nous avec le Coran et la Sunna. On doit prendre leur science. Naam, on doit faire dua pour eux, on doit les respecter, on doit les citer quand bien, on doit les suivre dans ce en quoi ils sont en conformité avec les textes, et on ne doit pas les suivre lorsqu'ils se trompent car ils sont humains, mais on doit leur chercher des excuses et faire dua pour eux. Et lorsqu'on entend des gens parler en mal sur eux, on doit savoir que lui a un signe de l'innovation parmi les signes d'Ahlul Bid'a, fi ulama al-Athar, fi ahli al-Athar. tu les défends, tu préserves leur honneur, tu les cites en bien, tu fais dua pour eux. Naam, tu prends leur science, tu voyages vers eux, tu reviens à eux lorsque tu as un problème dans ta religion ou autre, tu leur demandes conseil. Wa hakaza. Donc le fait de protéger les ulama, naam, ça a la plus grande importance. Plus ceux qui prennent la science d'eux, plus ceux qui prennent la science d'eux. Et au final, al-mu'min al-adi, le croyant simple, min al-awam, kadhalik lahu hadha al-haq. Tu préserves son honneur, tu préserves sa personne, c'est bien, et ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Et parmi les textes qui nous sont cités dans ce chapitre, dans As-Sahih ou As-Sahihayn, le fait que Sa'd ibn Abi Waqqas a donc monté la garde une nuit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cela, il a reçu ses invocations. Parmi les actions faites par Quraysh également lorsque le prophète sallam a établi domicile à Médine, après les menaces, il y a également eu man'u al-masjid al-haram al-sahab. Ils ont interdit le masjid al-haram à certains parmi les sahaba ou bien les sahaba. Et parmi ceux qui nous montrent cela, la qissa, l'histoire de Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd radiallahu anhu est un des responsables aussi de Ahl al-Madina. Il est parti à Mecca. Et cette qissa nous est rapportée par l'imam al-Bukhari. Il a voulu faire l'Amra. Il est descendu chez une personne avec qui il avait certaines relations. Et cette personne, c'est Umayya ibn Khalaf. Il lui a dit, donc vu qu'il fait partie des gens de Mecca, trouve-moi un moment, naam, sécurisé, un moment où il n'y aura pas de monde, dans lequel je pourrai aller faire et tawaf. Durant lequel je pourrai aller faire et tawaf. Alors, un moment de la journée, il lui a dit, c'est libre, viens et va faire ton tawaf. Donc, l'autre est sur le couffle et le premier est sur et tawhid, l'islam. Si ce n'est qu'en chemin, il a croisé qui ? Il a croisé Abu Jahl. Naam, un de ceux qui avait le plus de haine à l'égard du monothéisme et de ses adeptes. Lorsqu'il a vu Sa'd ibn Mu'ad qui venait pour faire le tawaf et l'amra, il s'est mis en colère et s'est disputé avec lui et a blâmé Umayya en lui disant, tu lui permets de venir faire et tawaf alors qu'il est un des adeptes de la religion de Mohammed. Alors Sa'd, qui était tout seul, naam, Sa'd qui était tout seul et qui était en déplacement et qui était auprès d'eux, lui a répondu avec le cœur rempli de iman, de quwwa, de tawakkul, parce que le mu'min, par son iman, il est qawi. Pas par sa mada, son gabarit, ses muscles, sa taille, sa famille, non. Le mu'min, il a une quwwa bien au-dessus de tout cela. Une quwwa qu'Allah Azza wa Jal lui donne, bi qadri imanihi wa quwwatihi, qui est proportionnelle à son iman et à la force de son iman. Sa'd radiallahu anhu, et dans la sirah ce nom reviendra souvent, Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'd ibn Mu'ad, naam, des chefs des Ansar al-Aws wal Khazraj. Il lui a dit, wallahi la in mana'tani min at-tawaf ou min at-tawaf bil bayt la aqta'anna matjaraka bishar. Il lui a dit, wallah, si tu m'empêches de faire le tawaf autour dans la maison sacrée, je vais couper ton commerce vers Sham. Lui, lui a parlé de quoi et lui, lui a répondu avec quoi? Il a voulu l'empêcher de faire quoi? Hein? Dites-moi. Une ibada. Sa'd s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'on l'a empêché quoi? Al-ta'abbud lillahi azza wa jal. Al-tawhid. Il l'a menacé avec quoi? Et dunya, pourquoi? Parce qu'il lui a parlé avec sa langue. Il lui a parlé avec sa langue. Anta sahib dunya. Si tu m'empêches d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, na'am, je vais te couper les vitres. Je vais empêcher ton commerce de passer de Mecca à la Sham. Qu'est-ce qu'il a fait à Abu Jahl? Il a réfléchi à plusieurs fois avant de poursuivre cette dispute. Et Sa'd ibn Mu'adh a pu, radiallahu anhu, faire sa umra. Puis il lui a dit, « Laqtulannaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Et il lui a dit, « Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué. » Naam, lorsqu'Abu Jahl a entendu cela, il lui a frayé chemin. Puis, parmi ceux qui a eu lieu avant Ghazwat Badr, que nous citent les historiens, c'est la permission donnée aux croyants de se défendre. Auparavant, Allah Azza wa Jalla avait ordonné aux croyants as-sabr à Mecca. Il leur avait ordonné as-sabr l'endurance. Ils supportaient les nuisances et les injustices. Mais, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Lorsque tu vois l'injustice se répandre et que tu vois des croyants faibles opprimés ou d'autres personnes opprimées, puisque dhulm c'est haram envers qui que ce soit, Allah nous dit dans le Coran, et ne pense pas qu'Allah est distrait de ce que font les injustes. Mais il retarde cela pour un jour où les regards seront bouleversés. Tôt ou tard, al-zalim passe. Tôt ou tard, al-zalim, l'injuste qui passe. Yani, sauf s'il fait tauba. Sauf s'il fait tauba. Amma de voir le mal et ainsi de suite, et tu penses que ça va rester comme ça et que lui, il va partir et qu'il n'y a pas de athar. Allah subhanahu wa ta'ala, agencé parfaitement ce din et ce qawm, et il a décrété que après al-haya il y a le mot, après le mot il y a à nouveau al-haya, il y a le jugement. Et il y a le jugement. Cela nous emmène au Ghazawat et al-Saraya. Al-Ghazawat, c'est le pluriel de Ghazwa. C'est une bataille dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe. Il voyage avec les sahaba pour cela. Et As-Saraya, c'est le pluriel de, c'est le jam' de Sariya. C'est un groupe de personnes qu'envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il met un responsable à leur tête. Donc il n'y va pas. Ils appellent ça le ba'th. Ils appellent ça As-Saraya. Ils donnent yani Sariya. Ils donnent encore d'autres appellations. Donc les savants de l'histoire ont cité des chapitres et des événements qui se sont déroulés avant Ghazwat Badr al-Kubra, avant la grande bataille de Badr. Et à Médine, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parfaitement agencé, ordonné les affaires de Médine. Parmi ce qu'il a fait, il a fait des pactes avec les gens de Médine, même les non-musulmans. Naam, des pactes de non-agression, des pactes dans lesquels il est stipulé que si un ennemi attaque Al-Madina, tout le monde devra repousser cet ennemi. Donc ils devront tous se lier pour repousser et combattre cet ennemi commun. Naam. Et ils avaient fait comme pacte le fait qu'ils n'avaient pas le droit de s'allier avec certains de Quraysh et certains de leurs ennemis. Et d'autres choses encore. Donc, Al-Ghazwa, yuqalu laha Al-Ghazwa idha kharaja ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallam participe et voyage avec eux, se déplace avec eux, on appelle ça Al-Ghazwa. Comme Ghazwat Badr. Par contre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam idha ba'atha amiran wa ma'ahu rahta wa ma'ahu jama'a, na'am, ou jam'in mina al-jaysh wa huwa fi ghazwa, yuqalu laha sariya. Par contre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne un responsable et envoie un groupe de personnes pour une mission, on appelle ça sariya. Ou encore, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une razwa, mais il détache un groupe du bataillon, d'accord, il est lui en razwa, et il désigne un groupe et il les envoie dans une mission, comment on appelle ce groupe qui part et qui fait scission avec l'entièreté de l'armée? On les appelle As-Sariya. On les appelle As-Sariya. Est-ce que c'est wadih la différence entre le razwa et As-Sariya? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux, istalaha ahlu yani l'ikhtisas ala hadha hadhi at-tasmiya al-ghazwa fa illa fa hiya sariya. Néanmoins, sachez que par moment ils disent razwa alors que c'est une sariya. Ils disent razwa alors que c'est une sariya. L'exemple qui est cité, c'est razwatu mu'ta. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a participé? Non. Il a désigné un amir. Et si un tel décède alors un tel, et si un tel décède alors un tel. Non. Razwatu mu'ta, et inshallah ta'ala, qu'Allah nous garde en vie, nous facilite, arrive à ce moment, subhanallah, de sirah, qui est, subhanallah, je ne trouve pas de mots pour le décrire, ce hadith-là, il est magnifique. Non. Et une des situations les plus touchantes qu'un frère qui était resté 10 ans à Médine nous cite, lorsqu'on lui a demandé, cite-nous deux moments les plus marquants, des plus marquants dans ta vie à Médine. Le frère a été ému, puis il nous a dit le jour où on a récité en cours le hadith de Razwat Mu'ta à Cheikh Abdel Mohsin Abed. Et qu'il ne pouvait plus se contenir devant la splendeur du hadith, le courage des sahaba et la tristesse des événements qui se sont déroulés dans cette bataille. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite son étude. Et on n'oublie pas qu'on étudie tout cela ta'abboudan lillah. Et les plus prédécesseurs nous disent on enseignait as-sirah. Ils nous disent on nous enseignait as-sirah, donc aux enfants, comme on nous enseignait une sourate du Coran ou un hadith. Non. Les enfants chez Sahaba, chez Tabi'in, ainsi de suite, on leur enseignait as-sirah. Ils mémorisaient as-sirah, hadha muhimun jiddan, d'enseigner cela à nos enfants. Na'am, la vie du prophète alayhi salatu wassalam, les étapes de sa vie, wa hakada, tu le fais selon son niveau. Et tu t'assois en famille et tu poses des questions et tu demandes hakada. Quel est le nom du prophète sallam, quel est son âge, quelle ville, où il est parti, le nom de ses meilleurs compagnons, des quatre, quand il grandit un peu, des dix, des épouses, des filles, des garçons, hakada, na'am, à quoi est-ce qu'il appelait. Et tu, petit à petit, tu avances, son enfant, son adolescent, son mariage de Khadija, construction de la Kaaba, et ainsi de suite, la mort d'Abu Talib, hakada. Petit à petit, avec tes mots, selon le niveau, tu transmets cela, tu transmets cela, tu transmets cela, hakada wa billahi tawfiq. Premièrement, dans ce sujet, quel est le nombre des sarayas envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et quel est le nombre des razawat? Quant au nombre des sarayas, les savants ont grandement divergé. Pareillement pour le razawat, mais moins. Certains ont dit 35 pour les sarayas. Certains ont dit 38. D'autres ont dit carrément 48 ou 60 ou 70. Donc, 35 jusqu'à il y en a plus d'une soixantaine. Quelle est la cause de cela? Aussi, ils ont dit, si on nous questionne sur le nombre total, c'est-à-dire Saraya ou Al-Razawat, ils ont dit Mi'a. Ils ont dit une centaine. Quant au Saraya toute seule, ils ont dit 35, d'autres ont dit 38, d'autres ont dit 60 et plus encore. Quelle est la cause de cette divergence? La cause de cette divergence est que les savants du domaine, par moment, deux expéditions, ils la comptent qu'une seule. Donc toi, en comptant, par exemple, tu vas attendre 60, mais lui, il a joint celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là. Donc au lieu d'arriver à 60, par exemple, il arrive à 40. Ça, c'est une des causes. Ça, c'est une des causes. D'autres, par moment, à la base, c'est une razwa. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaché un régiment du bataillon et les a envoyés pour une mission, ces derniers ont comptabilisé à la razwa, mais n'ont pas comptabilisé la saria qu'il y a eu durant cette razwa. Donc forcément, ils auront moins de saraya et plus de razawat. Ça, c'est une autre cause. Par moment, une bataille a plusieurs noms. Ou une expédition a plusieurs noms. Parce que saria, ce n'est pas forcément pour une bataille. Et saria, c'est pour ça qu'on envoyait parmi les sahaba, ce n'était pas forcément pour une bataille. Donc par moment, il y a plusieurs noms. Donc, il se peut qu'on dénombre plus que l'autre aura dénombré. Toutes ces choses-là, c'est pour qu'on comprenne la cause de la divergence entre les gens du domaine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépêcha un groupe, il ne les envoyait pas comme ça. Il leur faisait plutôt des recommandations. Et la première recommandation, il leur disait « Ousi kabitaqwallah »« Naam, je te recommande la crainte d'Allah. » Car ça n'était pas pour semer le désordre, mais bien au contraire. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, dans Sahih Muslim, a intitulé un des titres selon les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux responsables lorsqu'il envoyait un groupe de personnes comme dans le Hadith de Buraïda qui est connu. Quant au nombre des razawat, des expéditions auxquelles ont participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 19. Le nombre des razawat, 19. On trouve cela dans plusieurs textes. Dans d'autres textes, on trouve 16. Donc dans Muslim, on trouve 19. Dans un autre hadith de Buraïda, on trouve 16. Dans le hadith de Jabir, on trouve 19 aussi. Non. Qu'est-ce qu'on trouve par exemple? On trouve qu'il nous dit, radiallahu anhu, شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات 19. Il nous dit j'ai participé à toutes les batailles avec le prophète صلى الله عليه وسلم et toutes les expéditions elles atteignent le nombre de 19. Puis il dit إلا أني لم أشهد بدرا ولا أحدا. Sauf que je n'ai pas assisté à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Sauf que je n'ai pas, si ce n'est que je n'ai pas assisté à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Donc ça nous fait attendre quel nombre? Ahada, ma'adha, 21. Ça nous fait attendre 21. Pourquoi? Il dit, mana'ani min dhalika abi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon père m'a empêché. Hein? Il faisait partie des jeunes. Il est Jabir. Faisait partie des jeunes, Abdullah ibn Omar faisait partie des jeunes. Et lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, ils ont voulu y aller. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam istasgharahum. Et certains, leurs parents, ont dit vous êtes trop petits. Et parmi eux, Jabir, radiallahu anhu, lorsqu'il a voulu partir à la bataille de Badr, son père lui a dit non. Naam, et je trouve même que certains ont pleuré parce qu'on leur a, on les a empêchés de faire cela. Naam. كانوا صغارا ورجالا رضي الله عنهم. Et Ibn Sa'd fi Tabaqat nous cite que la plupart des savants ont dit que le nombre des razawat était 27 razwa. Il nous dit même qu'il a l'ijma', mais c'est la parole de la plupart. Et l'imam al-Nawawi lui a dit 25. D'accord? Donc la plupart des savants disent 27 et dans les textes on trouve 19 sans certaines batailles. Donc c'est pas parce qu'un sahabi dit j'ai participé à 16 batailles ou depuis que je suis venu je n'ai jamais manqué une bataille du prophète sallam. Ça on peut témoigner de cela pour dire que lui a assisté à 19 ou 16. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a que 19 ou 16. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 19 ou 16. Et des fois, la divergence est due, comme nous l'avons cité, à différentes appellations de la même bataille. La même bataille, on l'appelle Kaza et on l'appelle Kaza. Par exemple, et des fois, une seule bataille, il y a plusieurs événements, certains savants, eux vont dire non, il y a deux razwa. Ou bien une razwa et une sariya. Dans Sourate Al-Ahzab, on nous cite une bataille. Laquelle? Comment elle s'appelle? Hein? Dans Sourate Al-Ahzab. Ça s'appelle même pas une question. Hein? Tellement la réponse est dans la question. Donc, comment est-ce qu'on l'appelle? Comment? Al-Ahzab, Ghazwat Al-Ahzab. Mais on l'appelle aussi comment? Al-Khandaq. Parce que ils ont fait des tranchées. Non. Ça, c'est deux appellations pour une bataille. Mais juste à la fin, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète salam et lui a dit: vous avez posé les armes? Nous, nous n'avons pas posé les armes. Allah azza wa jalla t'ordonne d'aller à Banu Qurayza. Le prophète salam a appelé les sahaba et leur a dit de se rendre rapidement à Banu Qurayza et de le prier le asr si ce n'est là-bas. Taïb, est-ce que ça rentre dans Ghazwatou Al-Ahzab ou pas? Selon ça, on va trouver une bataille ou deux, par exemple. Ça, c'est une des explications. Entrons maintenant dans Ma'adha, ou plutôt pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sagesse, qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à commencer cela, c'est-à-dire à assurer la sécurité militairement parlant de l'Médina et s'affirmer dans la péninsule arabique également. Et tout cela pourquoi, parmi les sagesses, s'affirmer chez Quraysh et informer Quraysh que les musulmans qu'ils ont connus faibles ne le sont plus et qu'ils ont pleinement la capacité de repousser désormais leurs injustices, leurs tueries, les biens qu'ils ont volés, les gens qu'ils ont torturés, que désormais ça ne se passera plus de la sorte. Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a développé le côté financier, sécuritaire, il a assuré la sécurité de Al-Madina et des croyants qui étaient exposés à de nombreux troubles, comme on l'a vu il y a de cela un certain temps dans nos cours. Une des méthodes empruntées fut le fait de couper les vivres de Quraysh dans leur commerce, car ils passaient avec leur caravane remplie de marchandises et au retour remplie de richesses. Et ce chemin, ils empruntaient le chemin vers Sham chaque année. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des expéditions afin de couper ce chemin, afin de couper ce chemin-là et de réattribuer les richesses spoliées auparavant. Donc il y a Saraya al-Bu'uthk, al-Bu'uthna, allati tahjumu ala qawafil Quraysh al-Tijariya. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les engagements des différentes tribus avoisinantes. Donc d'un côté on assure la sécurité et d'un côté on trouble l'économie de Quraysh. À ce moment-là, Quraysh a été touché dans son économie et dans sa stabilité et a compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désormais était accompagné de personnes qui assuraient tant sa sécurité que la propagation de son message. Quelle est la première sariya? Quelle est la première sariya envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Indama هذا سؤال كبير يحتاج إلى رجل كبير. Ça, c'est une grande question qui a besoin d'un grand homme pour y répondre. Vu que tu as levé la main, tu dois être un grand homme. تفضل. لا لا Comment ? Le nom de la Sariya. Le nom de la Sariya. Vous n'avez pas assisté au cours de Sadiq sur le charh de l'Fusul de Cheikh Abdel Razzaq, Hamidahullah. Qui a assisté ? Vous avez perdu. Si vous n'avez pas assisté, Allah Musta'an. C'est un livre magnifique. Expliqué par un savant magnifique, transmis par notre frère magnifique Wafakahullah. La première Sariya est appelée comment? Taïb, une deuxième question peut-être plus facile. Man amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam alayha? Qui a mis le prophète, qui a été mis en tant que responsable par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un de ses proches. Taïb Sifu al-Bahr. Cette Sariya s'appelle Sifu al-Sinyafa al-Bahr. Sif, ça signifie Sahil, c'est les côtes de la mer. Naam, comment est-ce qu'on appelle ça, les côtes? Naam, le bord de mer. Donc cette Sariya a été appelée le bord de mer, les côtes de mer. Sifu al-Bahr. وأمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن أبي طالب. Et le prophète sallam a chargé à la tête de cela son oncle Hamza ibn Abi Talib رضي الله عنه. Il l'a envoyé, يعني أرسله أو بعثه مع ثلاثين من الرجال. Il l'a envoyé avec une trentaine d'hommes. كلهم من المهاجرين. Tous et faisaient partie de المهاجرين. لماذا؟ Pour attraper ماذا؟ Comment est-ce qu'on dit؟ العير. نعم عير قريش قادمة من الشام ومعها أبو جهل ومعه 300 من الرجال. Donc cette première Sariya se nomme Siful Bahr. Notez-le, Siful Bahr. Et à la tête, le prophète sallam y a envoyé Hamza, son oncle Hamza ibn Abi Talib radiallahu anhu, et avec lui 30 hommes. Pour attaquer une caravane ou un groupe de richesses, avec à sa tête Abu Jahl et 300 hommes. Donc combien pour combien? Hein? Une personne en face combien? 10 personnes. Ça c'est la normale, ça c'est l'équité. Ça c'est la mesure. C'est-à-dire que un parmi les sahaba, il tient devant 10. Hein? Allahu Akbar. Et peut-être que un parmi nous on tient devant personne. Devant nos passions pour être salah. Devant nos passions pour être zakat. Devant nos passions pour Talib al-Ilm, pour Talib al-Ilm. Hein? Là d'entre nous, il n'y a personne devant lui. Mais il ne tient pas devant la salat. Il ne tient pas devant la zakat. Il n'arrive pas à sortir son argent pour Allah Azza wa Jal. Il ne tient pas devant Siyam Ramadan. Il ne tient pas devant Hajj, Baytillah al-Haram. Il a les moyens, il a la santé, il a les sous. Mais il n'y va pas. Il prétexte telle chose et telle autre chose d'année en année. Il ne tient pas devant le fait de retenir sa langue. Min al-haram, min al-taqawul ala Allahi bila'in. Il ne tient pas devant le fait de préserver sa langue. Del-al-riba, wal-namima, wal-kadhib, wal-sukhriya. Le colportage, la médisance, ou le mensonge, ou bien la moquerie. Non. Il n'y a personne devant lui qui tient pas parce qu'il est faible. Wa'if ul-iman. Il ne tient pas dans une assise de science. Il ne tient pas pour venir apprendre l'arabe, apprendre le Coran, apprendre le tawhid, apprendre la sunna. Il ne tient pas. Il n'y a personne devant lui. Amma sahaba, ils ont tenu dans tout cela. Et devant lui, 10 personnes. 10 personnes. فنراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب عند الله عز وجل. Donc on doit faire nos comptes maintenant avant qu'on nous les fasse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, au jour d'aujourd'hui, on te dit de tenir droit mustaqim dans ton dîn, pas devant Fulan et Allah. Donc si tu vois que tu ne tiens pas dans salat, dans zakat, dans ramadan, dans le hajj, tu ne tiens pas dans birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents, c'est à ton rahim, tu ne tiens pas. ولست قائما امام احد يريد ان يهجم عليك بل امام صلاه الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فنسال الله سبحانه وتعالى رحم ضعفنا ويلطف بنا انه لطيف رحيم نمد الله عز وجل d'avoir pitié de notre faiblesse et de nous accorder sa miséricorde. Et lorsque tu étudies As-Sira, comme nous le dit l'ulama, tu ne dois jamais faire une lecture comme tu lis autre chose. Mais chaque étape de la vie du prophète alayhi salam et sahaba, tu dois établir une corrélation entre celle-ci et la tienne. Et regarder toi, comment tu es dans cela, toi, comment tu es dans cela, toi, comment tu es dans cela. Et moi, le fait de s'asseoir pour citer As-Sira comme le font et aller autre que Ahl-Sunnah, est-ce que nous voulons ça? Nous ne voulons pas cela. Mais on doit tirer des leçons, on doit tirer des douloureuses, des ibar, on doit se réformer, se corriger, et ça doit tous nous remettre à nos places. Parce que le meilleur d'entre nous n'équivaut pas au plus faible parmi sahaba, wa kulluhum kibar. Naam, le plus faible d'entre nous n'atteint pas le niveau du plus petit parmi sahaba, et ils sont tous grands. Et ils sont tous grands. Radiallahu anhum. Donc la première sariya se nomme Siful Bahr, bi qiyadati Hamzat. ابن عبد المطلب نعم ومعه 30 رجالا من المهاجرين tous faisaient partie de المهاجر. Lorsqu'ils ont atteint leur but, اصطف الصفان, les deux rangs se sont mis en face, si ce n'est que un homme nommé Majdi Mim Jim Dalia, Majdi ibn Amr al-Juhani, Majdi ibn Amr al-Juhani, wa kana halifan lil fariqayn. Lui avait un lien avec les deux côtés. Donc les al-Muhajirin et ceux qu'ils sont venus, et ceux envers qui ils sont venus en décompte. Qu'a fait Majdi ibn Amr? Il s'est interposé entre les deux groupes et leur a sommé de repartir d'où ils venaient. Donc il n'y a pas eu de combat entre les deux. Et les gens de Al-Madin, les Al-Muhajiroun, sont revenus à Al-Madina. Cela a eu lieu à quel moment? Fi Ramadan, dans le mois de Ramadan, ba'da sab'ati ashhur min ba'd al-hijra. 7 mois après l'Hijra, durant le mois de Ramadan. Lorsqu'on cite une razwa ou bien une sariya, il y a 4 points principaux à prendre en considération. À chaque fois, vous les notez. Awalan ismuha. Premièrement, le nom de la sariya ou de la razwa. Wa'ala. Deuxièmement, tahta qiyadati man. Deuxièmement, qui était l'amir? Si c'est une razwa, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est une sariya, tu notes le nom du sahabi. Troisièmement, al-hadaf. Troisièmement, le but. Et quatrièmement, tarikh. Tu notes le moment. Tu notes le moment. Ça, c'est les points principaux quand tu vois une razwa ou bien une sariya. Puis il y a durus wal ibar et ainsi de suite. On prend pour exemple Siful Bahr. Tu connais le nom Siful Bahr. Tu connais le man ammara alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Hamza. Le but Iir Quraysh qui était avec Abu Jahl. Naam, eux étaient 30 et les autres étaient 300. C'est interposé entre Majdi ibn Amr. Tayyib. Une question ici qui peut nous venir à la raison. Ils étaient combien avec Hamza? 30. Est-ce que parmi vous, il y avait un minal ansar? Ou non? Non. Kulluhum minal muhajir. Taïm, ma hikmatu dhalik? Ma bayanu dhalik? Quelle est la sagesse de cela? Comment se fait-il qu'il n'y a pas un parmi l'ansar? Al-ansar, qawmun shujja, aqwiya, avkiya, ahlu iman wa tuqa. Mais on n'en voit pas un ici. عندك انت كثير الاجابه t'as beaucoup répondu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous aider dans cette mas'ala? Là, parce que c'est la première fois qu'il les envoie. Et pourquoi pas des ansar? Prophète sallam est où à ce moment-là? Il est à Medina. Taïb, qui sont les géants de Medina? Qui sont les plus nombreux à Medina? C'est l'ansar. Non. Si les ansar avaient subi un lourd tribut dans cela, peut-être que ça les aurait fait rebroucher chemin dans le secours du din. Parce que l'ansar protégeait le prophète. Parce que c'était les biens de Al-Muhajiri. Andaman. Taïb. Je vais vous donner un indice. Vous vous souvenez Bay'at al-Aqaba Thaniya, la deuxième allégeance faite par les Ansar au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne fasse la hijra? Il y a un indice dans cela. Qu'est-ce qui a levé? Man rafa'a yada? Qu'est-ce qui a levé sa main? Fadda. Parce qu'il y avait des femmes parmi eux. Parce qu'il y avait des femmes parmi qui? Et Ansar? Taïm, Muhajirun aussi, il y a des femmes. Est-ce qu'un pays peut vivre sans femmes? Taïm, al jawab. Salim, عندك quel jawab? Mohamed. Taïm. Al jawab. لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوه بالنصرة داخل المدينة. Parce que les Ansar ont prêté allégeance et ont promis de secourir le prophète صلى الله عليه وسلم si il venait chez eux et chez eux. المدينة. صح ولا لا؟ Qu'en est-il d'en dehors d'Al-Madina? Est-ce qu'ils ont prêté allégeance sur cela? Est-ce qu'ils ont promis cela? Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé que des gens parmi les muhajiris. Mais on verra que plus tard, il va vouloir savoir leur position dans le cas où ils seraient confrontés à cela. Comme Ghazwat Badr, istashara, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste chez nous ainsi ou on sort vers eux? Qu'est-ce qu'on fait? Alors Abu Bakr s'est levé et a dit, Allah soit nahnu ma'ak, on est avec toi si tu veux. Avancer, et c'est cela ta tactique, on te suit. Si tu veux rester, nous on reste avec toi. Il a été content de cela. Puis il les a encouragés. Omar s'est levé, a répondu. Puis Miqdad a répondu. À la fin, Sa'd s'est levé, a dit Ya Rasulallah, ka'annaka ta'nina nahnu al-ansar. Il a dit au messager d'Allah, c'est comme si tu faisais référence à nous les Ansar. Parce qu'il n'y avait que des gens de Muhajirin qui se levaient et qui disaient on est avec toi, Ya Rasulallah, viens on y va, comme tu veux, on y va. Tu veux qu'on y aille, on y va, on est avec toi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il voulait voir la position des Ansar en dehors de Medina. Alors Sa'd lui a dit, Nahnu qawmun amanna billah. Nous, les Ansar, nous sommes des gens qui avons foi en Allah. Ça veut tout dire. On n'est plus à l'étape, est-ce qu'on fait pas? Al-imanu billah, yatatallab minka l'istislam wal-id'an. Wa sam'u at-ta'a wa l'istijaba at-tam lillahi wa lil-rasul. Puis il lui a dit, nous, on est endurant lors de la rencontre. Et on ne te dira jamais comme on dit Banu Israël. Va toi et ton Seigneur et combattez, et nous on attend ici. Mais Wallahi, ya Rasulallah, si tu peux ouvrir la mer comme Moussa, alayhi salam, ça lui est arrivé, on va marcher avec toi, on te dit va et on est avec toi. Alors le prophète sallam, soit pas bizarre. Le prophète sallam s'est réjoui de cela. Et ça, Inch'Allah, on le verra dans les prochains cours. C'est pour dire qu'il n'y avait pas parmi les Ansar de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient promis de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de Al-Madina. Voici la cause. Après cela, il y a eu Ghazwa, une Ghazwa qu'on appelle Ghazwatul Abwa. Wal-Jumhur ala annaha yal-oula. La plupart des savants du domaine disent que c'est la première Ghazwa, expédition du prophète, yani dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé. Elle a un autre nom. Ghazwatul Abwa a un autre nom. Elle s'appelle Waddan. Ghazwatu Waddan. Tout comme on l'appelle Ghazwatul Abwa ou Al-Ashhar, on l'appelle aussi Ghazwatu Waddan. C'est le nom d'un endroit, d'une qarya. Selon Jumhur, c'est la première bataille, ou plutôt c'est la première expédition à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Bukhari a cité une parole d'Ibn Ishaq qui laisse entendre que c'est son avis. Parce qu'il cite la parole d'Ibn Ishaq qui dit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé Quraysh et particulièrement Bani Damra pour une, je ne sais pas comment est-ce qu'ils traduisent leur caravane, si ce n'est qu'il n'y a pas eu de combat entre Hafez fil Fath a détaillé tout cela. Par la suite, il y a eu une autre sariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ubaidah ibn al-Harith. Ubaidah ibn al-Harith wa ma'ahu sittuna rajulan, avec lui une soixantaine d'hommes. Il les a envoyés encore pour l'Ir, et ils ont rencontré donc ceux qu'ils sont partis chercher, et il y a eu un échange de flèches entre eux. Quant à la parole qui nous dit, elle est authentique, mais pour la mettre dans un contexte, il y a besoin de dalil, que Saad est le premier à avoir tiré la flèche. Ça, c'est authentique. Quant au contexte, est-ce que c'était dans cette bataille ou une autre, Saad yahtaj ila dalil. Naam, hada yahtaj ila dalil. Mais dans les shuruhat, certains savants le citent dans telle ou telle bataille. Ensuite, Ghazwatul Madha Buwaqa ou bien Bawaqa. Buwaqa ou bien Bawaqa. Et elle a eu lieu fi Rabi'in al-Awwal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaché la Sariya avec à leur tête Sa'ad ibn Abi Waqas. Ensuite, il y a eu Ghazwatul Madha j'oublie le nom exact, il l'appelle Badr al-Sughra. Le Badr, c'est comme si Safwan, mais j'ai un doute. Safwan, ici j'ai dit Fath Hilfa, mais j'ai un doute. Safawan ou bien Safwan. Il la surnomme Badr al-Oula ou bien Sughra. Il la surnomme la petite bataille de Badr ou la première bataille de Badr. Ça c'était fi Rabi'in al-Awwal. Ça c'était durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et pourquoi est-ce que ça a été appelé la petite bataille de Badr? Certains savants ont dit car c'était non loin de Badr, l'endroit. D'autres ont dit car ça a été la cause, cette caravane, cette expédition a été la cause de la grande bataille de Badr. Ensuite, il y a eu Ghazwatu Ushayra. Ghazwatu Ushayra, chez certains savants, c'est la première bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit bataille, le terme plus exact c'est expédition, parce qu'il n'y a pas forcément de bataille. Non. Certains ont dit que Ushayra était la première, mais Al-Jumhur, comme vous avez entendu, on dit c'est Al-Abwa. Donc dans Ushayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti ma fi khamsi khamsin wa mi'a wa qila mi'atayn. Le prophète sallam est sorti avec 150 personnes, certains ont dit 200. Le but c'est quoi? على قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام. Donc le prophète sallam est parti pour tenter d'intercepter certaines richesses de Quraysh se dirigeant vers Al-Sham. Afan. Elle a eu lieu dans le mois de Jumada al-Akhira. Elle a eu lieu dans le mois de Jumada al-Akhira. Après un an et demi, taqriban, après 16 mois, taqriban après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Bukhari a cité cela dans un chapitre. Il a mis cela en chapitre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec 150 ou bien 200 personnes. Mais il n'a pas atteint ce but. Aussi, dans notre expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris certains parmi les compagnons. Et ça nous amène à la sariya qu'ils appellent al-Nakhla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit une lettre. Il a écrit une lettre et il l'a donnée à Abdullah ibn Jahsh. Il a écrit une lettre. Quand on dit le prophète sallam a écrit une lettre, ça veut dire qu'il l'a dictée. Le prophète sallam n'écrivait pas de lui-même. Et il lui a dit avance avec ton groupe. Arsalahum arahqa. Arahqa, hiya al-jama'atu duna 10. Arahqa, c'est un groupe composé de moins de 10 personnes. Dans d'autres textes, on trouve qu'ils étaient 8, avec Abdullah ibn Jahsh à leur tête. Il leur a dit avancez pendant 2 jours. Et il a dit à Abdullah radiallahu anhu, n'ouvre pas l'écrit. Au bout de 2 jours, ouvre-le et lis-le. Puis fais ce qu'il y a dedans et ne contrains pas tes camarades à te suivre. C'est-à-dire, s'ils veulent, ils te suivent, s'ils veulent, ils reviennent. Au bout de 2 jours, Abdullah radiallahu anhu a ouvert le Mada, cet écrit. Et qu'est-ce qu'il y a trouvé? Il a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'avancer jusqu'à cet endroit, Al-Nakhla, qui est entre Mecca et Taif, et qu'il y avait une Mada, qu'il devait prendre les informations chez Quraysh. Il devait s'enquérir de la situation chez Quraysh. Et il y a un groupe qui est passé, et il y avait parmi eux, donc Al-Ir, il y avait parmi eux Ibn al-Hadrami et Uthman ibn Abdillah ibn al-Mughira et d'autres. Alors ils se sont consultés, ils ont regardé la situation, ils se sont consultés. Pourquoi est-ce qu'ils se sont consultés? Parce que c'était dans le mois de Rajab, à la fin du mois de Rajab. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de faire quelque chose? Non, si ce n'est de prendre les informations. Mais s'il les laissait, ou plutôt il se disait, on ne peut rien faire parce qu'on est dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, pourquoi on parle du mois de Rajab? Parce que c'est un mois sacré. Et dans le mois sacré, c'est interdit de Mada de combattre. Mais s'il les laissait partir, en une nuit, ils atteignaient Mecca. Et à ce moment-là, ils seraient en sécurité. Ils atteindraient Al-Haram. Alors ils se sont consultés, qu'est-ce qu'on fait? Au final, ils se sont dit, on les attaque. Alors ils les ont touchés de leurs flèches. Ibn al-Hadrami est mort de cela. D'autres ont été capturés et ainsi sauvés. D'autres ont été capturés et ainsi sauvés. Puis ils sont revenus à Al-Madinah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, il ne l'a pas agréé. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, je ne vous ai pas dit de faire ça et on est dans le mois sacré. Alors je ne toucherai ni ce que vous avez ramené de la caravane, ni ces captifs. Alors les croyants se sont retrouvés dans une situation très très très difficile. Naam. Ils étaient dans une situation très pénible. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé al-faraj et a révélé un passage de suratou al-Baqara dans lequel il nous dit subhanahu wa ta'ala as'alunaka 'an ash-shahri al-haram qitalin fihi. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وplutôt هم فيها خالدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur cette situation. Car Kuffar Quraysh ont saisi cette occasion pour dire, regardez Muhammad, il combat dans les mois sacrés, et ils assassinent, et ils font, et ils font. Donc Allah Azza wa Jal a révélé sur cela, le verset 217 de Surat Al-Baqara, la traduction des sens du verset est, il t'interroge sur le fait de la guerre pendant les mois sacrés. Il dit, y combattre est un péché grave. Donc en effet, c'était une mauvaise chose, cet ijtihad. Mais plus grave encore auprès d'Allah, est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là, expulser de là ses habitants. Et le polythéisme est plus grave que le qatl. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront en dehors du dîn, vaines seront pour eux leurs actions et dans la vie immédiate et la vie future. Toutes leurs actions seront annulées. Voici les gens de la fournaise. Ils demeureront éternellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour cette situation. C'est que cet ijtihad, cet effort de réflexion, n'était pas bon et il ne convenait pas de faire cela. Mais ceux qui utilisent cela pour vous jeter dans la thème et vous critiquer, eux, ce qu'ils font est bien pire et même incomparable avec l'erreur qui est le fruit d'un effort de réflexion qui a été commis par un sahaba radiallahu anhum. Non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté d'eux, donc ce qu'ils ont ramené et les deux captifs. Par la suite, Quraysh a envoyé des émissaires pour faire un échange. Ils sont venus avec une rançon. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit d'attendre le retour de Sa'd radiallahu anhu, de peur que s'il leur rendait ces deux captifs, il soit touché d'un mal car lui n'était pas encore revenu. Sa'd et un autre parmi les sahaba radiallahu anhum ajma'in. Sa'd ibn Abi Waqas et Utbah. Naam, et Utbah. Puis on s'arrête sur deux événements qui ont eu lieu. Donc là on est à un an et demi. On arrive à à Tahwil al-Qibla, le changement de la direction de la Qibla. Les musulmans auparavant, donc à Mecca et jusqu'à ce moment-là après la Hijra, 16 mois, certains ont dit 17, ils ont prié vers quelle direction? Il a bait al-Maqdis. Naam. كانت القبلة بيت المقدس. La direction de prière était بيت المقدس. Et cela réjouissait certains parmi les gens du livre. Naam, cela réjouissait certains parmi les gens du livre. Et Al-Bara ibn Azib radiallahu anh nous rapporte donc l'histoire de ce changement. Et cela a eu lieu quand? Certains ont dit dans le mois de Sha'ban. Certains ont dit dans le mois de Sha'ban après 16 mois. D'autres ont dit 17 mois. Et beaucoup ont dit Firajab, à la moitié de Rajab. Beaucoup ont dit Firajab à la moitié de Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de changer de Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui espérait au fond que sa Qibla devienne la Qibla de son père Ibrahim alayhi salam, donc Al-Ka'ba. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc t'orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y. Ou plutôt, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc Allah Azza wa Jal a accordé au prophète alayhi salatu wa salam ce grand bienfait, ce qui lui a permis de prendre comme direction de prière Al-Qibla, qui était la Qibla d'Ibrahim alayhi salam. Et cela a irrité certaines personnes parmi les gens du livre, car le prophète a changé complètement sa direction de prière, comme c'est nous expliqué en surat Al-Baqarah, le verset 144. Pendant donc un an et demi, ou bien encore un an et demi après la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé cela, de cela sur le minbar. Et certains n'ont pas reçu l'information si c'était le lendemain au Fajr, comme un groupe de personnes qui priaient à Masjid Quba. Un homme est venu à informer les gens pendant la salat du Fajr, du Subh, que la Qibla est désormais l'Al-Ka'ba. Alors ils ont changé la Qibla et ils se sont dirigés vers la Kaaba. Et ça, c'était le lendemain. Ça, c'était le lendemain. Quant au prophète sallam, il fut dit que la première salat était celle du Dhahr, d'autres ont dit celle du Asr, comme c'est venu dans Al-Bukhari, si mes souvenirs sont bons. Il a été cité que Abu Sa'id ibn al-Mu'alla était avec son compagnon. Et il fait partie de ceux qui ont entendu en premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la Qibla change de Bayt al-Maqdis ila al-Ka'ba. Et il a dit à son compagnon: viens, on se dépêche, on fait deux raka'at pour être les premiers à avoir prié al-Ka'ba. Naam. Si ce n'est que ce texte-là, le sanad, il est mutakallam. Ce n'est que certains parmi les savants disent que ça n'est pas authentique. Naam. Mais on a plein d'exemples magnifiques sur Surat al-Istijaba au cours des cours de Sirah, Inch'Allah, on citera cela. Juste un exemple avant de finir. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu rentrait au masjid et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à deux parmi les sahabes. Et il leur a dit Ijlisa, bien il parlait aux sahaba, il leur a dit qu'ils étaient devant lui, il leur a dit Ijlisu. Naam, asseyez-vous. Plus tard il se tourne et il regarde à la porte de la mosquée et il voit qui? Il voit Abdullah ibn Saoud assis à la porte. Vous imaginez? Le prophète sallam parle aux gens qui sont là, il leur dit Ijlisu. Et plus tard il tourne sa tête, il voit à la porte. Il n'est pas dans le masjid, pendant à la porte du masjid. Abdullah ibn Saoud assis. Il lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il lui dit: ya Rasulallah, je t'entends dire Ijlisu, jalast. Je t'ai entendu dire asseyez-vous, je me suis assis. Allahu Akbar. Il n'est pas rentré dans le masjid, il n'a pas avancé, il n'est pas venu dans l'assise. Il a entendu Ijlisu, jalas. Ça, c'est Sahaba radiallahu anhu. Les meilleurs des hommes après l'Anbiya al-Rusul. L'élite de la communauté. Ceux qui ont été témoins de la révélation du Coran. Ce qu'Allah Azza wa Jal qawmun ikhtarahum Allah li suhbati nabi. Li suhbati nabi. Inna Allah thumma tala ala qulubi al-ibad fara'anna aska qulubi al-ibad qulubi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fakhtarahum wuzara'a li nabi. Comme nous dit Abu Mas'ud lui-même, puis Allah Azza wa Jal a regardé dans le cœur des compagnons et dans le cœur des hommes, il a vu que les meilleurs des cœurs après le prophète sallam était le cœur des compagnons, les a choisis pour accompagner le prophète sallam dans sa mission. Naam, les exemples sont très très très très nombreux. Naam, vous imaginez, Ijlisu, il est à la porte, Jalas. Et nous, on nous dit, Sallu fil masjid. Sallu fil masjid. Warka'u ma'a raki'i. Wa barran bi walidayi. Wa barran bi walidati. Plutôt. Wa bil walidayni ihsana. Allez, combien de textes on nous dit et on nous dit et on nous dit. Dans tous les Jumas, on entend Ala wa inna ahsan al hadith kitabullah wa sharra al umur muhdathat wa kulla muhdathatin bid'a aw bid'a kulla bid'atin dalala kulla dalatin. malgré ça, il faut trouver Ahlul Bid'a. Yabtadi'una fi dinillah, thumma yaqulun hiya dini bid'a hasana. Hein? Et tu trouves, lui va à tel secte, lui va à tel secte, lui va à tel secte. Et quand tu les appelles à sunnah, ils te disent, anta mutashaddid. Anta kada, wa anta kada. Wa anta ta'ati bidin jadid. Falhamdulillah. الذي جعلنا من أهل السنة ونسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياكم على الكتاب وعلى السنة على فهم سلف الأمة. Le dernier point, c'est qu'il y a eu avant ça ماذا يعني quelle est la sagesse d'avoir, ou plutôt on prendra ça la semaine prochaine. Rappelez-moi de finir sur تحويل القبلة ou تحويل القبلة نعم تحويل القبلة et la sagesse d'avoir laisser les gens sur une qibla, puis de la voix altérée. Et le dernier point qu'on cite en l'an 2 de l'égir, c'est Fardiyatu Siyami Shah Ramadan. C'est qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan et par la même occasion Zakat al-Fitr. Naam. Avant cela, comme on a vu dans le hadith il y a de cela une semaine, il me semble, quand le prophète Tarab al-Medina a trouvé que les gens jeûnaient Ashour. Alors il a jeûné Ashour, puis il a dit aux Sahaba de jeûner. Ils l'ont jeûné. Et lorsque le mois de Ramadan a été rendu obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire, il a dit maintenant celui qui veut le jeûner, il le jeûne. C'est-à-dire que le caractère obligatoire du jeûne de Ashura a été abrogé. A été abrogé. Voici ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité. Wallahu a'lam wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Certains frères ou plusieurs frères se demandent concernant Ashura. Naam. Donc la lune en Arabie avait été vue tel jour, donc ça, le jeûne tombait samedi, le Ashura tombait samedi, que ce soit en Arabie ou dans notre pays. Ensuite sur la France plus tard, ils disent que non, elle n'a pas été vue, donc ça décale d'un jour. Quel est le comportement à avoir dans ce genre de situation? Celui qui a la certitude d'un jour, il prend un jour avant, il prend ce jour-là. Non. Celui qui se voit dans une situation, il peut avoir un autre. Cheikh Salman Rahaili a été questionné dernièrement. Et sa réponse est que ta'khud bil ihtiyat, c'est de prendre ses précautions. Qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes les trois jours, en fait. Tu jeûnes les trois jours. Particulièrement, quand tu sais que tu es fichu Allah al-Muharram, le premier point à savoir, c'est que tout ce mois est méritoire concernant le jeûne. C'est-à-dire que plus tu peux jeûner dans ce mois, mieux c'est, parce que le prophète sallam te dit que le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, c'est Shahrullah al-Muharram, le mois dans lequel nous sommes. Ça, c'est le premier point. Ne dis pas, est-ce que je peux jeûner tel jour, jeûne autant que tu peux dans ce mois de Muharram. Tu peux jeûner la semaine, jeûne la semaine. Tu peux jeûner la semaine prochaine, jeûne la semaine prochaine. Est-ce que ça c'est clair déjà le premier point? Jeûne autant que tu peux dans le mois de Muharram. Deuxièmement, le jour de Ashura, Hada Aked, le jour de Ashura, ça c'est encore plus recommandé. Et le mieux, c'est de jeûner avec un jour avant. D'accord? Donc le 9e et le 10e. Sachant que certains savants disent le mieux c'est aussi le 10 avec. Le 9, le 10 et le 11, pardon. Le 9, le 10 et le 11 avec. Si toi tu as un doute, Naam, si toi tu as un doute, est-ce que c'est samedi ou est-ce que c'est dimanche? D'accord? Jeûne vendredi, samedi, dimanche. Jeûne vendredi, samedi, dimanche. Taïb, si tu n'as pas jeûné aujourd'hui, là il y a d'autres. Si tu n'as pas jeûné aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Jeûne samedi, dimanche. Taïb, est-ce que je peux jeûner lundi aussi? Jeûne lundi. Jeûne lundi. Est-ce que jeûne mardi, jeûne mercredi, jeûne. Voilà, quatre. Non, jeûne ce qu'Allah Azza wa Jalla t'aura facilité. Mais fais tout pour ne pas manquer le samedi et le dimanche. Fais tout pour ne pas manquer le samedi et le dimanche. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pour ceux qui n'ont pas reçu les convocations, pour ceux qui sont inscrits cours de Coran, ça a commencé jeudi pour ceux du jeudi, ça commence dimanche pour ceux du dimanche. Pour ceux qui sont cours d'arabe, ça commence lundi. Pour ceux qui sont du lundi, mercredi pour ceux qui sont du mercredi, jeudi, dimanche. Et pour ceux qui sont cours de sciences le mardi, ça commence le mardi. Et ceux qui sont cours de sciences le samedi, ça commence samedi la semaine prochaine. Voilà. pour ceux qui veulent s'inscrire en cours d'arabe, il reste des places pour le Coran. Yani, pour ceux qui veulent s'inscrire, il reste des places à la Kulli Hal. Et concernant les Nissa, ils ont commencé. Taïb, comme vous l'avez entendu, il y a un de nos papas au pays qui est en train de construire une mosquée. Il y a un de nos papas au pays qui est en train de construire une mosquée. Et alhamdoulillah, vous aviez donné pas mal, mais il manque un peu pour la finir. C'est pour cela qu'il nous a demandé d'encourager les fidèles, naam, ceux qui veulent participer. Il y a, si c'est derrière avec le sac, et inshallah ta'ala, il ne reste pas beaucoup pour finir la mosquée. Et ce prophète sallam, comme vous savez, dit: Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une mosquée au paradis. Donc donnez ce qu'Allah azza wa jal vous a facilité. Inch'Allah ta'ala, à partir de la semaine prochaine, on va faire le quatrième puits, bi'idnillahi rabbil alamin, mieux que cela, même un château d'eau. Inch'Allah ta'ala. Donc, préparez vos dirahim. Assalamu alaikum.